Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les émeutes de Stonewall Inn, en 1969. Tous les ans, au mois de juin, depuis presque un demi-siècle, dans de nombreuses villes du monde, ils marchent, fiers, lesbiennes, gays, bi, trans, ils marchent pour défendre leurs droits et leurs libertés. La Gay Pride, festive, flamboyante, est avant tout un acte de résistance contre la peur et contre la haine. Mais c'est aussi, et on l'oublie souvent, une commémoration en l'honneur de celles et ceux qui, pour la première fois, ont dit non. C'était il y a 50 ans tout juste. Dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, dans le quartier de Greenwich Village, à New York, 6 officiers de police pénètrent à l'intérieur du Stonewall Inn, bar gay, tenu par la mafia. Descente habituelle, à cette époque, aux États-Unis, 2 personnes du même sexe n'ont pas le droit de danser ensemble et il est interdit de servir à boire aux homosexuels. Mais ce soir-là, les clients se révoltent à coups de briquet, de talons aiguilles. L'image est restée dans la légende. S'ensuivent 3 nuits d'émeutes qui marqueront le début du mouvement militant et politique LGBT. C'est un mouvement fondateur donc, décisif et symbolique, à l'avant-garde d'une histoire en marche, Stonewall Inn ou la naissance des fiertés. En 2016, Barack Obama a élevé ce pub, le Stonewall Inn, au rang de monument national, à l'égal du parc de Yellowstone ou de la Statue de la Liberté, une reconnaissance officielle de l'importance des événements de ce mois de juin 1969. Notre invité aujourd'hui en duplex de Zurich, Frédéric Martel, chercheur, journaliste, présentateur sur France Culture de l'émission Soft Power et auteur de nombreux ouvrages, dont Global Gay, publié chez Actuel, Champ Actuel en 2014 et plus récemment Sodoma chez Robert Laffont en février de cette année. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio et Jérôme Chélius. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Allô Paris, ici New York. Ou plus exactement, ici Greenwich. Greenwich, que les New-Yorkais appellent tout simplement le village. Le village, c'est un quartier très particulier de New York qui se trouve au sud de l'île de Manhattan. C'est un quartier qui, par certains côtés, fait penser à la butte Montmartre, avec évidemment une différence essentielle, c'est que Greenwich n'est pas sur une butte, ou qui fait penser à certains quartiers comme Chelsea à Londres. Et nous avons profité des derniers beaux jours de l'automne, puisque nous sommes encore ici en plein Indian Summer, pour vous promener dans les rues de ce quartier si spécial de New York. New York, époque 60s. Le reporter Jacques Salbert, costume en lin et pose décontractée, présente aux caméras de RTF le quartier de Greenwich Village, temple de la bohème new-yorkaise. Situé au sud-ouest de Manhattan, entouré par Broadway et l'Hudson River, le village est une sorte d'îlot de résistance à l'American Way of Life et au gigantisme de la grosse pomme. Ici, les immeubles à 2 étages côtoient les maisons de bois, les rues ne portent ni numéro ni angle droit et l'on y trouve même quelques terrasses de café. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Greenwich est la terre des artistes, des jeunes, des marginaux. Dans ses caves, Bob Dylan réinvente la folk, William Barrow, Allen Ginsberg et Jack Kerouac écrivent la Beat Generation qui annonce les hippies à venir. Entre les deux, il y a l'Amérique des années 60, une décennie de subversion et d'audace, de confusion et d'idéaux. Celle d'Eisenhower qui allait bientôt devoir céder sa place à Kennedy. Splendeur et misère, c'est aussi le temps de la guerre du Vietnam, de la ségrégation raciale, du sexisme, de l'homophobie et des inégalités sociales. New York est en résumé le reflet de son époque et au pied des buildings, les laissés pour compte se disputent le trottoir. Le 24 octobre 1963, la balade du reporter français Jacques Salbert se termine dans la nuit noire de Greenwich et soudain, son visage s'assombrit. Sous le néon des bars, le village aux allures montmartroises change d'allure. Greenwich devient un peu le quartier général de la jeunesse révoltée. Pendant longtemps, le village a eu lui aussi ses existentialistes. On les appelait alors les beatniks. Mais les beatniks que l'on reconnaissait à leurs slacks, à leurs chaussettes blanches, à leurs sandales de tennis et à leurs barbes en broussailles, ont disparu, comme les existentialistes ont peu à peu disparu de Saint-Germain également. Cette jeunesse désœuvrée, noire, blanche, portoricaine, donne aujourd'hui des inquiétudes à la police. Car en effet, la drogue commence à faire de sérieux ravages au village. On commence par de la marijuana et malheureusement, on continue souvent par des piqûres d'héroïne. Et malgré la surveillance de la police, dans l'ombre propice des rues de Greenwich, on peut voir des petits paquets de poudre blanche passer d'une poche dans l'autre. Greenwich est un des centres de la drogue aujourd'hui. Mais avant d'être un centre de la drogue, Greenwich est avant tout l'un des plus importants et des plus anciens quartiers gays de New York. Avec Times Square et la Bowery, c'est ici que se retrouvent, depuis la fin du 19e siècle, ceux qui s'aiment en toute illégalité. Partout aux États-Unis, en effet, l'homosexualité est considérée comme un crime. On oublie pourtant qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y eut à New York une culture gay florissante avec sa langue, ses coutumes, ses traditions et ses sagas, ses héros et ses héroïnes. Loin d'être enfermés dans un ghetto, les homophiles, comme on les appelle alors, se mêlent à la vie de la cité avec fierté et exubérance. Dans les années 20, par exemple, les grands bals travestis d'Harlem et de Coney Island attirent des milliers de personnes, touristes et New Yorkais de tous bords, tandis que livres et pièces de théâtre gay connaissent un véritable succès. Greenwich Village en est l'épicentre. Et c'est précisément en réponse à la visibilité croissante du monde gay et à la menace qu'il semble poser à l'ordre social que de nombreuses lois réprimant l'homosexualité, dites les Sodomy Laws, sont promulguées dans les années 30, avant un nouveau durcissement sous le McCarthyisme. La chasse aux communistes se confond alors avec celle des dénommés subversifs. On parle d'une peur violette, en écho à la peur rouge, pour désigner la vague de persécution qui touche toute la communauté LGBT. Oui, jusqu'à la fin des années 60, la répression des lesbiennes, gays, bi et transgenres est bien plus généralisée et rigoureuse qu'on ne l'imagine. Un arsenal pénalise non seulement leur conduite sexuelle, mais aussi leur fréquentation, leur style vestimentaire et leur tentative pour s'organiser et parler en leur nom propre. Cette marginalisation sociale autorise la police, mais aussi les administrations et l'armée à un harcèlement permanent. Tout individu dont on découvre l'homosexualité risque ainsi de perdre son travail, d'être rejeté par sa famille et par la société tout entière. Chaque année, dans la seule ville de New York, des centaines d'hommes et de femmes sont arrêtés et enfermés de force dans des asiles psychiatriques. Après le péché et le crime, l'homosexualité est considérée à partir de 1952 comme un trouble névrotique, une maladie mentale qu'il faudrait soigner. Psychologues, prêtres, médicaments et électrochocs pour les plus récalcitrants. La thérapie commence dès les bancs de l'école. Comme en témoigne cette archive, extraite d'un reportage diffusé en 1967 sur la chaîne CBS intitulé « Les homosexuels ». Le détective John Sorensen de la Brigade des Mœurs et de la Jeunesse s'adresse aux élèves du collège de Dade County en Floride. Il y en a peut-être dans cette salle. Il y a peut-être des gens ici aujourd'hui qui deviendront plus tard homosexuels. Et peut-être même des filles qui deviendront lesbiennes. Nous ne pouvons pas savoir. Mais c'est très sérieux. Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Les homosexuels peuvent être partout aujourd'hui. Ils peuvent être juges ou avocats. Nous devrions le savoir et tous les arrêter. Donc si certains d'entre vous ont pris la liberté de fréquenter un adulte homosexuel ou un garçon et que vous le faites souvent, vous devriez arrêter tout de suite. Parce que le tiers d'entre vous va devenir homosexuel. Et si l'on vous attrape, tout d'abord vos parents seront mis au courant et ensuite nous vous arrêterons. Ne pensez pas que vous y échapperez. Et si ce n'est pas nous qui vous arrêtons, ce sera vous-même. Et le reste de votre vie sera un enfer. Fin Face à l'acharnement de la science, de la police, de la religion, de l'opinion populaire et de la loi, les homosexuels s'enferment dans ce qu'on appelle le placard, closet en anglais. Hommes et femmes sont contraints de mener une double vie, hétéro-respectable le jour, libre de leur sexualité la nuit. À New York, ils trouvent refuge dans les bars gays et lesbiens de Christopher Street, artère principale de Greenwich Village. Ces lieux constituent leur seul point de rencontre. Partout ailleurs, en effet, il est interdit de danser avec une personne du même sexe, de servir à boire aux homosexuels, et tous sont obligés de porter, je cite, « au moins 3 pièces de vêtements conformes à leur genre ». Dans ce contexte hostile, la plupart des bars gays sont tenus par la mafia, seule organisation suffisamment structurée pour pouvoir contourner la loi grâce à la corruption. Mais business is business, gay ou pas. Et cela n'empêche pas les descentes de flics d'ailleurs, récurrentes. Les plus ostentatoires, drag queens en première ligne, sont systématiquement contrôlées et embarquées. Interviewé par France Inter en 1984, Gene Hulse, transgenre et militante avant-gardiste, se souvient de ces temps difficiles. C'est à New York que je suis allé pour la première fois dans un endroit où des hommes pouvaient danser avec des hommes et des femmes danser avec des femmes d'une façon qui était explicitement la façon des gens normaux quand ils dansent ensemble. Là aussi, nous étions très très mal traités. Je me souviens des mauvais traitements parce que la mafia ou d'autres membres de la pègre parfois contrôlaient entièrement les bars et ils arrivaient à éviter la police. La vie était difficile, ce n'était pas facile d'être gay. Il fallait vivre avec la frayeur que votre famille le découvre si elle l'ignorait. Ma famille le savait, mais votre employeur, s'il le découvrait, il pouvait vous mettre à la porte, votre propriétaire pouvait vous expulser. La police allait de l'harassement, de l'hostilité à la brutalité. L'avenir n'était pas rose en 1967. Il y a au numéro 53 de la Christopher Street un petit bar mal fichu et mal famé en service depuis plus d'un siècle. Il s'appelle Stonewall Inn. Officiellement, c'est un club privé réservé à ses membres où le patron autorise les hommes à danser entre eux. En réalité, la pègre investit les lieux pour y écouler de l'alcool coupé, des cigarettes de contrebande, pour se livrer au proxénétisme, aux raquettes et autres trafics. L'hygiène est désastreuse. Il n'y a pas d'arrivée d'eau derrière le comptoir, alors les verres sont rincés dans une bassine d'eau sale, provoquant en 1968 une épidémie d'hépatite. Pour l'essayiste Vito Russo, Stonewall était un véritable bouge, le pire qui soit. Mais il avait l'un des dance floors les plus animés de Greenwich Village. C'était le bar de ceux qui étaient trop jeunes, trop pauvres ou trop too much pour entrer ailleurs. Un bar que tout le monde adorait détester. Miteux, bruyant, prévisible et paradisiaque. Contre de généreux pots de vin, environ 2000 dollars par semaine, la police de New York ferme les yeux. Enfin, pas toujours, et surtout en période électorale, comme en 1969, année des municipales. Le maire, démocrate sortant, veut prouver qu'il lutte efficacement contre la criminalité et ordonne plusieurs raids dans les bars rouges de Greenwich. Le mardi 24 juin 1969, l'inspecteur Seymour Pine fait irruption au Stonewall. Il arrête le serveur, saisit les bouteilles et promet de revenir bientôt. Trois jours plus tard, le 27 juin, soir de pleine lune, nuit d'été, un jeune drag queen se prépare à sortir en ce vendredi un peu spécial, car aujourd'hui, il fête ses 18 ans. Il s'en souvient comme si c'était hier. Il le raconte aux réalisateurs Kay Davis et David Hebron dans le documentaire Stonewall Uprising, sorti en 2010. Le 27 juin 1969, je venais juste d'avoir 18 ans et j'allais fêter mon anniversaire au Stonewall. La soirée commença tôt. En se préparant, nous buvions des cocktails et on mettait du maquillage. Je portais la robe noire et blanche de ma mère, celle qui avait une taille empire. Je ne crois pas m'être sentie aussi belle que ce soir-là. J'ai dit au videur à l'entrée, « J'ai 18 ans ce soir. » Et lui me répond, « Petit enculé, tu peux nous attirer beaucoup d'ennuis. Tu pourrais même nous faire fermer boutique. » Ils n'avaient pas idée de ce qui allait arriver ce soir-là, qu'on allait entrer dans l'histoire. À 1h30 du matin, la fête bat son plein. Le Stonewall Inn est bondé. Hommes et femmes dansent et s'enlacent sur les tubes soul de la Motown. Les drag queens squattent les jukebox et les habitués, alcooliques et prostituées, finissent les verres. À l'extérieur, sous une chaleur torride, les sans-abri, eux, arpentent le bitume. Mais voilà bientôt tout ce petit monde dispersé par l'inspecteur de police de New York, Seymour Pine. Comme promis, il est de retour, accompagné de 5 officiers. La musique est coupée nette. Contrôle des papiers, s'il vous plaît. 50 ans plus tard, le déclenchement des événements demeure encore un mystère. Qui a jeté la première pierre? Qui est le premier à avoir dit non? Toujours est-il que la police perd très vite la maîtrise de la situation. Dans la chaleur et l'insalubrité du Stonewall, dépourvu de sortie de secours, la centaine de clients présents commence à s'agiter et les premières échauffourées éclatent. Dans le quartier de Greenwich, très animé à 7h de la nuit, la scène ne passe pas inaperçue, non. Alors bientôt, 400 personnes s'agglutinent devant le bar, gosses de la rue, habitants du quartier, drag queens, homosexuels et activistes. Quand les flics commencent à brutaliser les plus récalcitrants, la foule se déchaîne, les bombardements de pièces, de cailloux, de bouteilles en verre affluent. La police est forcée de battre en retraite à l'intérieur du Stonewall, que certains entreprennent alors d'incendier. Un parc-mètre déboulonné vole dans les airs. C'est une révolution, s'écrie Sylvia Rivera, une flamboyante drag queen, étrange genre, figure emblématique du quartier. Oui, une révolution. Ce soir-là, dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, autour du minable Stonewall, quelque chose se passe. Pour Morty Manford, un témoin, cette Rix est comparable au perçage d'une plaie suppurante de colère contre le harcèlement policier, contre les préjugés. Présent sur place, le romancier Edmund White raconte le déroulement de cette folle nuit au micro de France Culture le 11 mars 1995. Stonewall, c'était le moment, au moins dans l'histoire aux États-Unis, où les PD ont vraiment résisté, enfin, les polices. C'était, il y avait une descente, comme on avait souvent. Tout le monde, au lieu de se disperser, ils ont resté sur place, et puis il y avait une lutte dans la rue, parce que les flics sont arrivés, ils pensaient que, oui, c'est facile, comme toujours, tout le monde part. Donc, ils ont décidé seulement d'arrêter l'équipe qui travaillait dans le bar. Mais ça, c'était déjà une vingtaine de personnes. Donc, ils n'avaient pas une voiture assez grande. Donc, ils ont laissé 2 flics dans le bar avec 10 de leurs prisonniers, et les autres 10 sont partis avec 2, et en attendant la foule devant la porte, dans la rue, on est devenu très excité, et on a jeté du feu, des pierres, on a cassé les fenêtres. Pendant 3 nuits, les émeutes perdurent de façon spontanée, sans parvenir pour autant à dépasser les frontières de Christopher Street. Plusieurs blessés des deux côtés, 18 personnes arrêtées. Sur les vitrines du Stonewall, largement vandalisées par la police, les émeutiers écrivent simplement « Legalize gay bar », « Légaliser les bars gays ». Le 3 août, ils entament un dernier baroud d'honneur, lorsque The Village Voice, l'hebdomadaire alternatif le plus influent de l'époque, publie un compte-rendu enflammé du soulèvement. C'est d'ailleurs l'un des rares à le prendre au sérieux. Les émeutes de Stonewall sont en effet très peu commentées à l'époque. La télévision et la radio n'en font pas mention, et lorsque la presse s'en empare, c'est avec mépris. Le New York Daily News titre par exemple « Descente dans un guépier homo, les reines des abeilles sortent leur dard ». D'autres journalistes ironisent sur le fait que la communauté gay de Greenwich se serait simplement mobilisée en hommage à son idole, l'actrice Judy Garland, morte d'overdose et enterrée à New York quelques heures avant le déclenchement de la révolte. En tout cas, ces commentaires condescendants révèlent que rien ne prédestinait les émeutes de Stonewall à entrer dans l'histoire. Comme toutes celles qui avaient eu lieu avant, d'ailleurs, de la côte Est à la côte Ouest. La toute première, dit-on, c'était en mai 1959, dans une cafétéria de Los Angeles. Des homosexuels avaient jeté leurs tasses et leurs assiettes en carton à la tête des policiers venus les arrêter. Puis il y a eu New York en septembre 64, et puis Washington à l'été 65. Mais c'est encore à Los Angeles qu'éclate la première grande manifestation de revendication pour le droit des homosexuels. Le 31 décembre 1966, une douzaine de policiers en civil matraquent les clients du bar gay le Black Cat alors qu'ils s'embrassent pour la bonne année. 16 personnes sont arrêtées. Toutes sont reconnues coupables d'outrage à la pudeur. Scandalisés, des centaines de manifestants protestent pendant plusieurs semaines sur le Sunset Boulevard. Mais à cause de l'étalement urbain de Los Angeles, les témoins de l'incident sont rares et les médias en parlent à peine. Pourtant, au sein de la communauté, personne n'a oublié cette première grande révolte annonciatrice de Stonewall. D'ailleurs, 50 ans plus tard, le 11 février 2017, Alexei Romanov, organisateur des manifestations, à l'époque, s'en félicitait encore. Je suis probablement la dernière personne vivante qui était là. Et je suis fier parce que, regardez les personnes qui sont ici aujourd'hui, ils célèbrent encore ce qu'on a fait il y a 50 ans. Et il y a deux policiers, l'un d'entre eux a serré ma main tout à l'heure et m'a félicité, ça n'aurait jamais pu arriver avant. Aujourd'hui, les émeutes de Stonewall ont une place si symbolique dans l'histoire du mouvement de défense des droits LGBT qu'on a du mal à se rappeler leur singularité. Après tout, qu'est-ce qui les différencie de toutes les manifestations précédentes, de toutes les suivantes ? Eh bien, elles s'inscrivent avant tout dans un contexte singulier et particulièrement agité aux États-Unis. Alors que le républicain Richard Nixon accède au pouvoir le 20 janvier 1969, partout dans les rues des grandes villes américaines, le peuple marche, lui, contre la guerre du Vietnam et contre le racisme. Alors, influencés par le grand mouvement des droits civiques, les gays, lesbiennes et transgenres du pays sont eux aussi bien décidés à défendre leur liberté. Love is in the air, la révolution sexuelle et le mouvement hippie feront le reste. Il faut aussi ajouter que la descente au Stonewall a eu lieu le premier week-end très chaud de l'été 69 dans l'un des plus grands clubs du quartier, dans un secteur piéton qui abrite depuis peu des jeunes gays sans abri, sans travail, sans famille. Alors ceux-là n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner et une fierté à reconquérir. Pour le romancier Edmund White, ce jour-là est fondateur, comme il l'explique au micro de France Inter le 12 septembre 2004. C'est curieux parce que j'ai vu dans ma propre vie qu'un événement historique peut changer ta nature intime. Et pour moi, c'était Stonewall. Stonewall était en 1969 et c'était à New York et c'était pour la première fois les homosexuels ont résisté à la descente des flics parce que les flics ont voulu fermer encore un autre bar au Mont. Et puis, on a battu contre eux. Il y avait une dispute pendant 3 jours qui était comme notre jour de la Bastille. On a inventé sur le champ des slogans comme « Gay is good » parce que les gens disaient « Black is beautiful » à l'époque, d'être noir est beau, donc d'être pédé est bien. Et pas tout de suite, mais bientôt après, je me suis senti libéré. Pour la communauté LGBT aux États-Unis et bientôt à travers le monde, Stonewall marque l'événement d'une nouvelle ère, le début d'une route longue et périlleuse vers la libération. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous. Soyons fiers d'en être homosexuels. Ces hommes, ces femmes qui manifestent devant des passants un peu interloqués sous la protection de la police avec un drapeau américain se proclament eux-mêmes pédérastes et lesbiennes. Leur mouvement est leur mouvement de libération des homosexuels en Amérique. Cette manifestation se déroule à New York, ville où l'on en a vu d'autres. Ailleurs en Amérique, il faut bien le dire, elle ferait scandale. Et dans la plupart des villes américaines, les homosexuels sont l'objet de la suspicion populaire, ils sont écartés de beaucoup d'emplois et ne peuvent en principe prétendre à aucune carrière politique. C'est justement ce contre quoi le mouvement de libération des homosexuels entend protester. Dimanche 28 juin 1970, un an jour pour jour après les émeutes du Stonewall Inn, acte de naissance du mouvement LGBT américain, 2000 manifestants défilent pour la Christopher Street Liberation Day Parade, ancêtre de toutes les gay prides. Main dans la main, fleurs dans les cheveux et jeans pas de def, gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres et drag queens marchent la tête haute de Greenwich Village jusqu'à Central Park. Sur leur pancarte, on peut lire « Gay is good », « Je suis ton pire cauchemar » ou « Ton plus beau fantasme »,« Sors du placard » ou encore, plus simplement, « Je suis lesbienne ». Au milieu des slogans, on peut aussi apercevoir le nom de jeunes réseaux et organisations militantes nées au lendemain des émeutes de 69. Ainsi, Stonewall marque-t-elle une véritable césure dans l'histoire LGBT des États-Unis ? La révolte s'accompagne désormais d'une politisation du mouvement. La communauté se renforce, prend confiance en elle-même et change fondamentalement de programme. Rompant avec les anciennes associations homophiles soucieuses de discrétion et de respectabilité, comme la Matakine Society ou les Daughters of Bilitis créées dans les années 50, la nouvelle génération exige désormais une reconnaissance et une intégration sociale complète. C'est d'ailleurs en ce sens que le Gay Liberation Front, fondé immédiatement après Stonewall par Craig Wardwell et Brenda Howard, organise cette première Gay Pride, la plus grande démonstration LGBT jamais vue dans le pays. GLF, chacun pouvait enfin s'exprimer en tant que gay, précise le militant Jim Fruat. Nous étions organisés en cellules comme les maoïstes. Notre but, c'était la transformation globale de la société à laquelle les gays et les lesbiennes participeraient activement en tant que tels. Il n'y avait pas que des mâles blancs des classes moyennes qui étaient homosexuels, mais aussi des noirs, des femmes, enfin, tous ceux qui subissaient le racisme de l'Amérique. Harry Pritz, lui, résume son engagement à cet impératif, sortir du ghetto. Devenu conseiller municipal de San Francisco, il témoigne au micro de France Inter en 1984. Dans les grandes villes américaines, notamment New York, San Francisco, Los Angeles, les gays se sont rassemblés parce qu'il n'y avait pas de soutien pour nous dans notre environnement, dans nos familles, dans nos églises, là où nous travaillions. On s'est rassemblés et on a formé des ghettos, de la même façon que les juifs se sont rassemblés pour former des ghettos, comme les noirs se sont rassemblés pour former des ghettos. À l'intérieur de ces ghettos, nous avons établi des relations, nous avons appris à être fiers de notre histoire, de nos propres sentiments, et nous avons commencé à développer assez de courage pour sortir du ghetto, pour retourner dans le grand courant américain et d'appeler l'attention du pays sur ce que c'est que d'être gay dans une société qui ne sait vraiment pas comment considérer notre expérience. Et je crois que c'est quelque chose qui devrait être dit et qui peut-être échappe aux gens normaux. Le militantisme arrive en réponse aux mauvais traitements et le besoin de se regrouper avec d'autres homosexuels pour former un mouvement politique a été créé par la bigoterie dans la société. Mais avec la multiplication des organisations militantes et la diversité des moyens de lutte de la confrontation violente aux zap happening visuels repris plus tard par ACT UP, les premières dissensions apparaissent au sein du mouvement. C'est que la communauté gay, comme on la désigne alors de façon réductrice, regroupe des individus, des réalités et des problématiques très différents. Rapidement, par exemple, les lesbiennes quittent le GLF, qu'elles estiment dominé par les hommes, pour fonder le GLF Women, tout simplement. Les travestis et transgenres se sentent eux aussi mal représentés. Ils créent en 1970 le STAR, Street Transvestite Action Revolutionaries. À l'origine de cette organisation, une icône du village new-yorkais, témoin et actrice majeure des révoltes de Stonewall, Marsha P. Johnson, surnommée Santa Marsha. Drag queen, transgenre, travailleuse du sexe, noire et pauvre, son combat naît de sa propre expérience de damnation, pour reprendre ses mots. Avec le STAR, elle et Sylvia Rivera, autres grandes figures de Greenwich, veulent combler les failles d'un mouvement qui n'intègre pas les personnes les plus vulnérables. Elles agissent localement en répondant à des problèmes concrets comme le logement, l'accès aux soins et la collecte de fonds pour payer les cautions de personnes incarcérées. Mais leur activisme dérange, leur image surtout. Les drag queens trop stéréotypées, trop folles desserviraient la cause et véhiculeraient une mauvaise image du mouvement. En 1973, 3 ans après les émeutes de Stonewall, elles sont interdites de gay pride par les leaders du GLF. Bien sûr, Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera y vont quand même. Cette dernière se débrouille alors pour monter sur scène point levé. J'ai été battue. J'ai eu le nez cassé. J'ai été jetée en prison. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon appartement pour la libération gay. Et vous me traitez comme ça? Quel est votre putain de problème? Réfléchissez-y. Je ne crois pas en une révolution. Mais vous, si. Je crois au pouvoir gay. Je crois en nos droits. Sinon, je ne serais pas là pour me battre pour nos droits. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous voulez connaître les personnes qui sont en prison? N'oubliez pas Bambi Lamour, Andorra Marx, Kenny Messner, et toutes les autres personnes gays qui sont incarcérées. Venez voir les personnes au Star House sur la 12e rue. Ces personnes essayent de faire la différence pour nous tous, et pas seulement les hommes et les femmes qui font partie d'un club blanc de classe moyenne. C'est cet endroit dont vous faites partie. La révolution, maintenant! La révolution maintenant, la révolution toujours. Après les émeutes de Stonewall en 1969, les descentes de police ne s'arrêtent pas du jour au lendemain, pour un sans faux. Une soirée tragique d'ailleurs est restée dans les mémoires. Le 7 mars 70, la police arrête 167 consommateurs au Snake Pit, un autre bar homosexuel de Greenwich. Par crainte de perdre son visa, un jeune Argentin saute par la fenêtre du poste de police et s'empale sur une clôture en fer. Grièvement blessé, il s'en sort de peu, mais déjà 500 manifestants déferlent sur Christopher Street, la rage au ventre. Et cette fois, la presse s'empare massivement du sujet sans condescendance ni mépris. Alors si Stonewall n'a pas tout changé, si la route pour l'égalité est encore longue, ces émeutes demeurent le point de départ d'un véritable bouleversement des consciences aux États-Unis et bientôt dans la plupart des pays occidentaux. La preuve, au cours des années 70, 17 États abrogent les sodomy laws et en 1973, l'American Psychiatric Association raye enfin l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. Un grand nombre d'homosexuels, hommes, femmes, quittent les régions agricoles et les petites villes où ils ont grandi pour s'installer à San Francisco, New York, Chicago, la Nouvelle-Orléans, Atlanta ou Houston, qui deviennent des centres de la vie LGBT. Des endroits où l'on peut s'aimer et continuer le combat. Harvey Milk, lui, a quitté Dallas au Texas en 1972. Installé à San Francisco, on le surnomme bientôt le maire de Castro, principal quartier gay de la ville. Et il va le prendre au pied de la lettre. À deux reprises, il se présente aux élections municipales, sans succès, sans s'avouer vaincu non plus d'ailleurs. Le 6 juin 76, il arpente une nouvelle fois le pavé, tracte à la main et répond aux questions des journalistes français. Le mouvement homosexuel, c'est un peu comme le mouvement des femmes il y a quelques années. On commençait à en parler, mais les gens n'en connaissaient pas grand-chose. Dans certaines villes, comme San Francisco, on connaît le mouvement, mais ailleurs, presque pas. Et si je suis élu adjoint au maire, ce sera à la une de tous les journaux. Mais déjà, la prise de conscience commence. Si vous êtes élu, vous aurez le pouvoir de changer la condition des homosexuels ? Non, je n'en aurai pas le pouvoir. Mais ma position me donnera une tribune. Et cela peut aider à changer les choses. Un an plus tard, Harvey Milk devient le premier élu américain ouvertement homosexuel. Un an plus tard, le 27 novembre 1978, il est assassiné par Dan White, l'ancien conseiller municipal dont il avait pris la place. Harvey Milk se savait menacé. Avant sa mort, on l'appelait déjà le Martin Luther King gay. Mauvais présage. Il avait alors enregistré plusieurs cassettes audio découvertes après son assassinat. L'une d'elles contenait la célèbre phrase « Si une balle devait traverser mon cerveau, laissez-la briser aussi toutes les portes du placard ». Quarante ans plus tard, le 26 juin 2015, la Cour suprême des États-Unis entérine une décision historique. La légalisation du mariage homosexuel partout aux États-Unis. Alors, pour célébrer cette victoire tant attendue, des milliers de personnes se rassemblent devant le Stonewall Inn, désigné monument national par Barack Obama. Mais l'histoire n'est pas non plus une marche glorieuse et sans accroc pour l'émancipation. Aujourd'hui encore, aux États-Unis, l'homophobie tue et en masse. Le 12 juin 2016, une fusillade dans un club LGBT d'Orlando en Floride fait 49 morts et plus de 50 blessés. Il s'agit de l'un des crimes homophobes les plus graves de l'histoire américaine qui nous rappelle tragiquement tout ce qui reste à construire et à reconstruire inlassablement. La révolution maintenant, la révolution toujours. So if you're lonely. You know I'm here waiting for you. I'm just a crossing. I'm just a shy away from you. And if you leave here, you leave me broken, shed and alone. I'm just a crosshair. I'm just a shot. Then we can die. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui en duplex de Zurich, Frédéric Martel, bonjour. Bonjour. Chercheur, journaliste, présentateur de l'émission Soft Power sur France Culture et auteur de nombreux ouvrages, dont Global Gay, publié chez Champ Actuel en 2014. On va commencer par les chiffres révélateurs, effrayants. Dans ce livre, Global Gay, vous écriviez: dans 76 pays, l'homosexualité est un crime passible de prison. Dans 7 pays, la loi prévoit même la peine de mort. Voilà, donc c'était en 2014. Est-ce que, 4 ans après, les statistiques ont changé, et espérons-le dans le bon sens? Écoutez, pas vraiment. On peut même dire que on sait toujours très difficile de mesurer la réalité, compte tenu du fait qu'on parle, pour les pays en tout cas qui autorisent dans un certain nombre de cas la peine de mort en cas d'homosexualité, on est dans des pays qui sont plutôt en général des dictatures. Tous ces pays sont des pays musulmans et on manque évidemment de données. Mais le nombre de pays où la situation s'est détériorée s'est accrue, et on a vu même de nouveaux pays, si on peut dire, notamment en Syrie ou en Irak, ces dernières années, où les crimes anti-gays se sont multipliés, notamment avec ces fameux cas où on punissait un certain nombre d'homosexuels en les jetant du toit, les yeux bandés, et une fois qu'ils arrivaient, sans doute déjà grièvement blessés, 4 ou 5 étages plus bas, ils étaient lapidés par la foule, crime qui avait été un peu institué par l'organisation État islamique, oui, notamment en absolument. Irak. Alors, comme nous, les efforts sont encore... La marge de progression, on va dire, est encore grande dans certains pays, et comme nous l'avons vu, l'histoire du mouvement de défense des droits LGBT a retenu les émeutes de Stonewall comme un acte fondateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept-là? Écoutez, je citerai juste une phrase de Barack Obama lorsqu'il a été réélu président des États-Unis, c'était en janvier 2013, et dans son discours qu'il commence, il dit « We the people », je vous passe quelques phrases, et puis il dit tout de suite « Nous sommes les héritiers », et il dit « The Seneca Falls, Selma, et Stonewall. Et en prenant cette image formidable, je trouve, il prend trois des exemples et des symboles les plus grands de l'histoire américaine. Seneca Falls, c'est dans l'État de New York en 1848, lorsque des femmes organisent la première convention pour leurs droits. Évidemment, Selma, c'est à Alabama, en Alabama, le jour où il y a des émeutes et une marche de solidarité avec notamment le congressman John Lewis qui est à leur tête en 1965. Et Stonewall, c'est donc la révolution entre guillemets gay de 1969. Donc Barack Obama, en utilisant ces trois symboles, la libération des femmes, la libération des noirs et la libération des homosexuels, crée une sorte de matrice qui me semble opérer encore aujourd'hui. Toutefois, rien ne prédisposait finalement ce petit bar, comme vous le disiez, un peu louche, et qui a jamais été un lieu très important dans l'histoire gay avant 1969, de devenir ce symbole. Et au moment où les choses se passent, si vous prenez le New York Times, par exemple, le New York Times mentionne plusieurs jours après les émeutes de Stonewall, et il y a 4 ou 5 lignes. Donc, c'est pas du tout à ce moment-là, si vous voulez, un événement important dans l'histoire américaine, ni même à New York. Ça va durer 3 jours, mais c'est pas mai 68, si vous voulez. C'est quand même quelque chose de très petit, qui a lieu dans un quartier qui va devenir très symbolique. Hein. Donc, c'est Christopher Street, à l'angle de la 7e avenue, où d'ailleurs aujourd'hui, il y a une statue, hein, de symbole de la libération gay, un banc avec deux hommes et puis plus loin deux femmes. À l'angle de Gay Street, c'est intéressant, la rue juste à côté s'appelle déjà Gay Street, sans lien sans doute, c'était un monsieur gay j'imagine, mais c'est pas lié au mouvement sexuel. Bon, voilà le symbole. Ce qui est intéressant, c'est que de ce Stonewall, de ce mythe, vont sortir des dizaines de slogans et toute une histoire qui va être réécrite, mais au bon sens du terme après. Par exemple, on dit, on invente gay is good. En fait, ça a été inventé 2 ans plus tôt par un écrivain. On va utiliser souvent we are here, we are queen, get used to it. C'est un slogan qui va être inventé beaucoup d'années après par Queer Nation. Le principal, c'est d'avoir un symbole, en fait. Ouais, repère qui est un symbole. Tout n'est là. Le rainbow flag qui évidemment naît par la suite, ou le coming out for the closet, ou la gay pride, tout ça va naître de cet événement de Stonewall qui va avoir une immense suite, puisque quand vous allez aujourd'hui en Chine, quand vous allez en Amérique latine partout, et même à Cuba, tout le monde fête Stonewall à travers la gay pride. Juste une parenthèse, mais à Cuba, on a décidé de le fêter à une autre date, le 17 mai, pour éviter que ce soit trop américanisé quand même. C'est un principe cardinal, Frédéric Martel, que de balayer devant sa porte, dont je rappelle que l'homosexualité était un délit en France jusqu'en 1981, à l'époque où bien pas mal de nos voisins européens, eux, avaient déjà statué et étaient entrés dans la modernité. Bon voilà, 30 ans plus tard, c'est largement réglé. À ce sujet, on se souvient tous d'une émission, tous ou pas, en tout cas je vous le dis, de Ménie Grégoire sur RTL en 1971. Et ça s'appelait « L'homosexualité, ce douloureux problème ». Et on voit l'hypocrisie de dire ce douloureux problème. Oh, les pauvres, ils ont un problème, ils ont une maladie. C'était encore comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mouvements aux États-Unis ne vont pas traverser l'Atlantique? Mais en fait, justement, ils les ont traversés. Stonewall a des effets très puissants en France. Alors, pas tout de suite, il va falloir attendre l'année 1971, justement, mais à ce moment-là, les militants se mobilisent. Je pense à des revues comme Tout, avec un point d'exclamation, ou la revue Recherche, qui va publier en 1973 un numéro 3 milliards de pervers. Et ces revues-là vont faire référence à Stonewall. Une des raisons pour lesquelles le mouvement gay naît en France, c'est notamment l'influence américaine, où on parle de Stonewall. Certains disent y avoir été, d'ailleurs. On cite aussi les Black Panther Party, notamment Huey Newton, qui est interviewé en 1971 dans ses revues des premiers mouvements homosexuels français. Et donc, on voit une matrice qui va d'ailleurs durer, puisque ACT UP sera créé en France 2 ans après ACT UP New York. Le mariage gay va devenir un débat en France 1 an après le débat aux États-Unis, et même l'association AIDS est créée juste après le Gay Men's Crisis et sur son même modèle au début des années 80. Donc la matrice américaine reste très forte en France et d'ailleurs dans le monde entier avec ses symboles, Stonewall, le Rainbow Flag, le Coming Out, la Gay Pride, etc. etc. Oui, la Gay Pride en France, la première, ça remonte à quand? Dans les années 70, en fait, la Gay Pride se passe au début de la marche du 1er mai, donc de la marche syndicale. Et les militants gays essayent de rentrer. Parfois, ils veulent être au début. Ils sont chassés, généralement, avec la CGT, le Parti communiste, qui se retourne en disant, vous voyez, ce groupe-là derrière est étranger à la classe ouvrière. Et puis, peu à peu, la Gay Pride va s'autonomiser et, à la fin des années 70, va devenir autonome. Mais moi, je me souviens, quand j'arrive à Paris en 1987, donc beaucoup plus tard, c'est encore très petit. Sur la place du Palais Royal, il y a 200 personnes qui se réunissent pour la Gay Pride. Ce n'est que bien plus tard, après, hélas, la tragédie, les débuts du sida et la tragédie des années 80 et au début des années 90 que la Gay Pride va devenir très populaire et très massive en France. Alors, en France, donc en 2013, là on passe un cap hein, de progrès avec la légalisation du mariage pour tous, donc qui englobe le mariage homosexuel. C'est une vraie victoire pour le progrès, c'est une victoire humaniste. Mais il y a quelques jours, France Bleu Normandie révélait les méthodes du service adoption du département de Seine-Maritime, alors que les couples homosexuels ont obtenu le droit d'adopter en 2013, au même titre que les couples hétéros, eh bien ce département a considéré qu'il devait s'ouvrir, hein, l'option pour les homosexuels, à des profils d'enfants atypiques, c'est-à-dire avec un problème de santé, un handicap, perturbé psychologiquement. D'ailleurs, le ou les responsables de cette décision ont été suspendus. Comment expliquer qu'on en arrive là, à une information pareille, aujourd'hui en 2018, 5 ans après le passage de la loi pour le mariage pour tous? Moi, je crois que le droit est important et c'est pourquoi il fallait faire cette loi. Il faut toujours commencer par avoir le droit de son côté. Après, évidemment, les pratiques, les préjugés vont parfois perdurer, ce qui fait dire à juste titre un certain nombre de militants qu'il y a des problèmes et qu'on est un pays qui reste avec des réactions homophobes. C'est vrai d'ailleurs de beaucoup de pays. Vous savez, on a aujourd'hui 27 pays où le mariage a été autorisé à peu près, mais il y en a un certain nombre qui ont reculé, par exemple, en Australie ou au Mexique, il y a eu des changements. La Slovénie avait dit oui, puis a dit non, etc. Il y a eu tout un tas d'allers-retours et ça, sans doute, ça va continuer un peu comme ça. Mais c'est pourquoi le droit est important. Après, vous avez aussi, et on le voit aussi aux États-Unis avec Donald Trump par rapport à Barack Obama, qui revient sur tout un tas de lois favorables aux homosexuels. Je pense un peu à l'armée, je pense aussi à la question des transsexuels, la question des toilettes, etc., etc. Donc c'est un combat, au fond, never-ending story qui va jamais s'arrêter. Bien sûr, qui était toujours à réinventer. Toute dernière question, Frédéric Martel, qu'est devenu aujourd'hui le quartier de Greenwich Village à New York? Enfin, je veux dire, est-ce toujours un centre important de la culture gay new-yorkaise? Bah, il faut voir que, bon, New York, c'est une ville gay-friendly, donc où que vous alliez à New York, au fond, vous avez des lieux gays, désormais, qui sont éparpillés. De Greenwich, on est passé notamment à Chelsea, puis à East Village, aujourd'hui beaucoup à Hell's Kitchen, ou à Brooklyn. Donc il y a comme ça des petits, ce que j'appelle dans Global Gay, des gayhoods, c'est-à-dire des quartiers gays, mais plus ou moins distincts par... Alors Greenwich reste aujourd'hui présent, Christopher Street est toujours une rue gay avec des bars gays, dont le fameux Stonewall Inn, où on peut aller, c'est un peu triste parce que la bière est chère et l'ambiance pas très grande aujourd'hui, mais c'est en train, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de devenir un monument national. C'est d'ailleurs des amis à moi autour de Michael Denny qui ont organisé le rachat de ce bar. Alors ça va prendre encore quelques temps pour qu'il devienne ce qu'on appelle un parc and garden, c'est-à-dire en fait il va être un petit parc. Oui. Il deviendra sans doute un lieu symbolique protégé. Voilà. Pardon de vous avoir bousculé sur ces derniers mots, Frédéric Martel, parce que vous connaissez hein, le temps en radio, c'est pas extensible. Absolument. Merci infiniment en tout cas, vous nous appeliez de Zurich. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, rediffusion de l'épisode Stonewall Inn, diffusé en 2018, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr si ce n'est déjà fait. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour les informations complémentaires à notre émission. Clément Berman était à la technique aujourd'hui.